Le CDN. Le Centre Dramatique National a été créé en 1986 à Angers. Ses missions principales sont la création et la diffusion de spectacles de théâtre mais aussi des concerts, des spectacles pour le jeune public, du cirque. Il a aussi une mission de formation, de sensibilisation et de médiation. Depuis 2007, le metteur en scène Frédéric Bellier-Garcia est à la direction et nous offre une dernière saison riche en émotions. 4 spectacles en audiodescription. En collaboration avec Accès Culture. Avec le soutien du groupe The Régor. Lewis vs Alice, mise en scène de Macha Makiev. Jeudi 17 octobre 2019 à 20h. T900, durée estimée 2 heures. À la fois théâtrale et musicale, ce spectacle propose de remonter sur les traces de Lewis Carroll, l'auteur de Alice au Pays des Merveilles. Créé à Avignon en juillet 2019, cette enquête relevée et dynamique s'amuse via l'humour anglais du rapport entre l'auteur et son œuvre sur fond de musique pop gothique. Détails, texte de Lars Noren, mise en scène de Frédéric Bellier-Garcia. Vendredi 20 décembre 2019 à 20h. T900, durée estimée 2 heures. Pour ses dernières créations au CDN, Frédéric Bellier-Garcia choisit de mettre en scène un texte du renommé auteur suédois Lars Noren. Des fragments de vie, qui se croisent à travers 30 courtes scènes, interrogent la notion de bonheur et de mémoire. L'écriture à la fois fine et sensible revêt la cape d'une autobiographie à laquelle tout un chacun peut s'identifier. La mécanique du hasard, texte inspiré du roman Le Passage de Louis Sachar, mise en scène d'Olivier Le Tellier. Jeudi 16 janvier 2020 à 19h. T400, durée 1 heure, à partir de 9 ans. Avec le soutien de Sab. Envoyé dans un camp de redressement, Stanley Elna creuse des trous en plein désert. Mais ce sont les vieilles histoires familiales que l'adolescent turbulent va déterrer, et quelles histoires, un récit puzzle, riche en rebondissements, mis en scène et interprété par des acrobates du récit. La vie est un songe, texte de Pedro Calderón de la Barca, mise en scène de Clément Poiré. Mercredi 13 mai 2020 à 20h. T900, durée 2h25. Le chef-d'œuvre baroque du siècle d'or espagnol signé Calderón est ici revisité par l'énergie trépidante du jeune metteur en scène Clément Poiré. Un théâtre de troupe pour une immersion savoureuse dans la brume des songes de cette fable politique et métaphysique, un spectacle grandiose où on ne sait si ce que l'on vit est un rêve ou la réalité. 3 concerts avec un accueil spécifique. Programme de salle en braille réalisé par l'Institut Monte-Clair d'Angers, Christophe en solo. Samedi 12 octobre 2019 à 21h, majoration des tarifs de 4 € à l'abonnement et 5 € hors abonnement. T900, durée estimée 1h30. Des yéyés aux balades électroniques, en passant par de grandes fresques rock, Christophe n'a jamais cessé de se réinventer. En tête-à-tête avec son piano, c'est sans nostalgie qu'il nous offre un concert intime et exceptionnel. Cécile McLaurin-Selvan et Sullivan Fortner. Samedi 11 janvier 2020 à 20h. T900, durée estimée 1h30. Il existe des talents rares, incontournables, Cécile McLaurin-Selvan en fait partie. En moins de 10 ans de carrière, la jeune chanteuse est déjà couverte de récompenses. Sa voix hors du commun, mariée au piano délicat de Sullivan Fortner, promet un sublime voyage jazz et atemporel. Le cri du cœur. Mardi 31 mars 2020 à 20h. T400, durée estimée 1h10. Abdullah Minaoui, artiste emblématique d'une Égypte avide de liberté, manie avec virtuosité un chant qui emprunte autant à la tradition soufie qu'au rock. Cette voix puissante, mêlée aux cordes hypnotiques de Carsten Schöpfel et au saxophone éthéré de Peter Corset, nous invite à un voyage qui transcende les frontières. Un concert surprenant qui séduira les oreilles curieuses. Informations pratiques. Tarifs. 16 € au lieu des 25 €, 8 € avec la H, carte partenaire de la ville d'Angers et minima sociaux. Théâtre 900, placement numéroté, théâtre 400, place réservée au premier rang. Accueil spécifique, remise du matériel, casque et récepteur, action culturelle. En amont des représentations peuvent être proposées des rencontres avec les équipes artistiques, des visites sensorielles, des présentations des spectacles. Contactez-nous pour en savoir plus. Contactez Julien Villeneuve-Pasquier. Téléphone 02 41 22 20 25. Mail julien.villeneuve-pasquier@leque-angers.eu ou Séverine Amelin. Téléphone 02 44 01 22 48. Mail séverine.amelin@leque-angers.eu.